talmudique. Prague, sous la neige, est une très jolie dame. J'y venais saluer le cimetière juif et la synagogue. Ce n'est pas un cimetière, mais une levée en masse de dalles funéraires, une bousculade de pierres et de tombeaux. On y voit les juifs, je veux dire qu'on les devine, s'écrasant les pieds, s'étouffant, pour se faire non plus une place au soleil, mais un trou sous terre. À cette époque, quel que fût leur nombre, vivants, ils devaient tous tenir dans le ghetto, et morts, tous se couchaient dans le cimetière. On n'agrandissait pas davantage l'un que l'autre. Il était déjà beau qu'on leur eût concédé une parcelle du sol chrétien. Chargés de leur caractère hébraïque, les stèles se livrent bataille, se saisissent à bras-le-corps pour mieux se déraciner. Il en est qui s'épaulent, las de l'effort. Vaincus, beaucoup sont tombés, et le tas qu'elles forment témoigne de l'âpreté de la lutte. D'autres, pour assurer définitivement leur position, sont entrés carrément en terre. Les plus acharnés foncent en tous sens, piquant de droite, de gauche, se chevauchant farouchement. Et nous ne parlons que du dernier étage, de celui qui a fini par avoir le dessus. 7 ou 8 couches de morts meublent l'enclos. Ce n'est pas un lieu de repos, mais un tumulte. Des pigeons, des lions, des ours, des bouquets, une fleur, des raisins, des petits pots, des mains croisées, des coqs, des loups, des petites vaches, tout cela sculpté sur ces pierres, signale soit la tribu, soit le nom. Avant Marie-Thérèse d'Autriche, les Juifs n'avaient pas de nom officiel. Quand l'impératrice décida de les enregistrer, il fallut bien les baptiser, je parle aux civils. Mais pour eux, l'Allemagne, la Bohême, la Hongrie n'ouvrirent pas le calendrier. Qu'un juif eût un nom, n'était-ce pas déjà une dangereuse condescendance? Pour en atténuer la portée, on ne leur donnerait que des noms de choses ou d'animaux. Les pauvres n'avaient droit qu'à un nom de bête vulgaire. Ceux qui possédaient quelque argent étaient autorisés à choisir pour patron un animal noble, voire féroce. Les favorisés de l'or pouvaient s'offrir un nom de fleur. Ainsi, le riche devenait Blum et le prolétaire n'était qu'un Schwein, c'est-à-dire un pourceau. Paul Salmona, bonjour. Magnifique. Bonjour. Est-ce que vous avez deviné de qui est ce texte ? Albert Londres. Ce texte d'Albert Londres, tiré du Juif errant est arrivé, nous fait prendre connaissance des vestiges de vestiges. Je veux parler des cimetières juifs du Moyen-Âge, et la recherche des vieux cimetières médiévaux est l'une des grandes préoccupations de l'archéologie du judaïsme. Contrairement aux quartiers juifs intramuros, les cimetières juifs médiévaux sont toujours à l'extérieur de la ville, et contrairement à l'adage « muet comme une tombe », ces lieux et leurs pierres nous parlent beaucoup. Résonne ici le sens du mot « pierre » en hébreu « even », qui signifie la rencontre du père et du fils, « av veben », le dialogue entre les générations. La tradition d'ailleurs veut qu'on les dépose un petit caillou sur les tombes que l'on vient de visiter. Que nous disent ces pierres? Que racontent ces pierres à l'archéologue Paul Salmona? Découvre-t-on en France ou ailleurs, gravés sur ces tombes, des noms de familles particuliers qui permettent de mieux comprendre leur place dans la société de l'époque? Et pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Salmona, directeur du musée d'art et d'histoire du judaïsme. En fait, il faut que je dise, j'ai le plaisir que l'émission talmudique soit aujourd'hui accueillie dans l'espace même du musée, puisque Paul Salmona, vous nous accueillez dans ce musée, et nous sommes ici devant un ensemble de pierres tombales absolument magnifiques en tant que pierres, qui sont exactement comme ces pierres en mouvement que décrit Albert Londres. Alors, nous sommes là devant une pierre tombale. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Avant d'aborder cette pierre précise, est-ce que je veux juste dire une chose, c'est que je trouve votre citation magnifique et parfaitement choisie, parce que probablement Laurence Sigal, ma prédécesseur, a été très inspiré par le cimetière juif de Prague dans l'installation, dans la mise en espace de cet ensemble de stèles médiévales que nous conservons au musée, qui n'était certainement pas comme ça à l'origine. Hein. Il s'agit pour l'essentiel de stèles qui viennent d'un cimetière qui était à l'emplacement actuel de la rue Pierre-Sarrazin, à l'angle du boulevard Saint-Michel et du boulevard Saint-Germain, d'un cimetière médiéval. Et précisément, le propre des cimetières juifs médiévaux, c'est que les tombes sont bien séparées, qu'elles ne se recoupent pas, et que ces stèles, dressées, enfin en tout cas dans la tradition de l'Europe du Nord, dans l'Europe du Sud, on a aussi parfois, enfin on a plutôt des stèles horizontales, ces stèles dressées permettaient de bien repérer l'emplacement des tombes et de les entretenir conformément à la tradition. Mais là, la muséographie de cette salle emprunte effectivement à ce désordre des stèles du cimetière de Prague. Et quand on arrive dans cette salle, on est vraiment, je dirais, frappé par, à la fois par ce désordre et en même temps par cette beauté, ces pierres blanches qui sont vraiment dressées, on le sent, comme des personnages. On sent, et c'est ça peut-être qu'il y a de très étonnant dans les cimetières juifs, il y a quelque chose comme si on était en train de se promener avec, avec des vivants. Et Paul Salmona. Absolument, mais puisque les stèles, lorsqu'elles sont intactes, permettent de retrouver les noms, les filiations, les formules rituelles qui étaient employées à l'époque. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que cet ensemble que conserve le Musée d'art et d'histoire du judaïsme est un ensemble extrêmement précieux, car il est d'une très grande rareté. Gérard Naon a recensé environ 300 inscriptions hébraïques ou juives médiévales, et en réalité ces stèles funéraires qui viennent des cimetières juifs médiévaux de la France du Nord et qui pourraient venir aussi de la France du Sud sont très rares, parce que après les expulsions, dans la plupart des cas, les cimetières ont été dépecés de leurs stèles qui ont été vendues comme pierres de construction, et donc on les retrouve très rarement. Ce sont des fossiles extrêmement rares et extrêmement précieux, et qui donnent effectivement une idée de ce qu'étaient ces communautés juives au Moyen-Âge, qui étaient extrêmement nombreuses dans toute la France. Alors qu'est-ce qu'on peut lire sur cette stèle? Prenons par exemple celle-ci. Alors en français, voilà, la traduction, ceci est la stèle funéraire de Dame Florie, fille du maître Rabbi Benjamin, qui s'en fut au Jardin d'Éden le deuxième jour de la péricope Beracha, l'onzième du compute, que son âme soit liée au faisceau des vivants. Et nous sommes en quelle année? Donc nous sommes en 1250. 1250, c'est-à-dire en fait à l'époque de Saint-Louis. Tout à fait. Alors ce qui est important dans, dans ce musée et dans cette muséographie et dans votre passion pour l'archéologie, Paul Salmona, vous êtes actuellement directeur du musée d'art et d'histoire du judaïsme dans ce magnifique hôtel particulier Saint-Aignan qui se trouve dans le 3e arrondissement. Et vous êtes spécialiste de l'archéologie préventive et de l'archéologie du judaïsme. D'ailleurs, vous avez consacré à l'archéologie du judaïsme en France et en Europe un colloque en 2010, dont les actes sont parus en 2011, co-édité avec Laurent Sigal. Alors, ce qui est passionnant dans cette archéologie du judaïsme médiéval, c'est que, j'aime l'expression que vous utilisez, les archives du sol, une expression que vous aimez bien, que vous empruntez à Leroy Gourhan, et vous dites, en citant un historien qui s'appelle Florian Mazel, qu'il y a une dialectique féconde entre les archives du texte et les archives du sol, et que ces archives du sol nous apprennent, ouvrent des perspectives sur l'histoire des Juifs du Moyen-Âge en France et en Europe que l'on n'espérait pas. Toutes ces découvertes nous disent quelque chose, et vous soulignez ce point, et je voudrais comprendre pourquoi c'est si important, que cela ancre les Juifs dans une longue durée, l'histoire des Juifs en Europe dans une longue durée. Paul Salmona. Oui, alors, beaucoup de choses à la fois. Alors c'est vrai, juste un point, mais avant de prendre la direction du musée d'art et d'histoire du judaïsme l'an dernier, j'ai eu la chance pendant 8 ans de travailler à l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. J'ai vu passer beaucoup de fouilles, enfin une dizaine de fouilles concernant des sites du judaïsme médiéval. Et effectivement, il m'a semblé qu'il y avait là un sujet important. Et avec Laurence Sigal, j'ai eu la chance de pouvoir organiser en 2010 un colloque ici au musée, dont sont issus ces actes que vous évoquiez. Alors, pourquoi est-ce que l'archéologie, c'est important? Disons pour deux raisons fondamentales. La première raison est d'ordre scientifique, c'est-à-dire que ces archives du sol, comme disait Leroy Gourhan, apportent des éléments de connaissances qui sont complémentaires des archives textuelles. En l'occurrence, par exemple, dans cet ensemble de stèles médiévales, comme le souligne Gérard Naon dans son ouvrage sur les inscriptions hébraïques et juives de la France médiévale, nous avons des noms, nous avons des individus que nous ne connaissons pas par les textes et qui permettent de compléter la vision qui est de toute manière très lacunaire de ce que pouvaient être ces communautés, et en particulier les principaux responsables religieux de ces communautés qui ont laissé des textes rabbiniques. Ça, c'est la première chose. Donc, ça nous donne énormément d'informations. Alors, l'archéologie va donner des informations sur les individus, on le disait, sur les formules rituelles qui peuvent être inscrites sur les stèles, mais aussi, lorsque on accède aux restes humains, lorsque c'est le cas, et c'est parfois le cas, sur l'âge, la répartition entre les hommes et les femmes, les enfants inhumés, donc l'âge de la mortalité, et éventuellement les maladies, les causes de la mort, et parfois les causes de la mort violente. Donc là, on a toute une série d'informations d'ordre scientifique sur ces communautés. Et sur leur implantation. La seconde raison de l'importance de l'archéologie, je dirais, est d'ordre plutôt politique au sens noble, hein, la vie de la cité, c'est que, alors que les sources textuelles sont plutôt confinées au cercle des études juives, parce que ce sont les spécialistes qui y accèdent et qui s'y intéressent de manière approfondie. J'ai cité Gérard Naon, j'aurais pu citer Gilbert Dahan, Bernard Blumenkranz, Daniel Yankouagou, toute une série de chercheurs, et plus récemment Juliette Sibon, que vous aviez dans l'émission il y a quelque temps, à propos du colloque sur Saint-Louis. À la différence de l'étude des sources textuelles, l'archéologie, tout d'un coup, fait irruption dans la cité. Alors, parfois, c'est au cœur même des cités, quand on s'intéresse aux quartiers, aux édifices rituels. Parfois, c'est à la périphérie des villes médiévales. Mais la ville a grandi, elle a gagné. Et donc, ces cimetières se retrouvent maintenant à l'intérieur des villes de la période contemporaine, enfin, même des villes de la période moderne. Et elles sont comme un signal aux habitants actuels sur l'existence de ces communautés dont très souvent l'existence avait été oubliée. Alors, oubliée paradoxalement d'ailleurs, parce que dans énormément de villes en France, il y a des rues aux Juifs ou des rues de la Juiverie, mais très peu d'habitants ont conscience de ce que cela signifie. Alors, tout à fait, parce que en plus, j'ai repéré, on a le pont aux Juifs. À Metz, on a même Anjuru. C'est-à-dire, en fait, c'est une traduction de l'allemand de Judengas qui devient Anjuru. Et j'ai trouvé dans ces noms quelque chose de très poétique. Mais si vous voulez bien, je voudrais bien revenir sur le nom de cette dame, Madame Flore. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'ils ont des noms français. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une véritable intégration de la communauté juive dans la communauté nationale, si on peut dire sans anachronisme, utiliser ce terme sans anachronisme. Et pourtant, on a dans notre mémoire, ou une certaine mémoire, l'impression que les Juifs vivent repliés sur eux-mêmes, en ghetto, dans des quartiers fermés. Est-ce que l'archéologie et les nouvelles découvertes de l'archéologie ne nous permettent pas d'avoir une autre vision du judaïsme médiéval? Et vous n'avez pas répondu à la première question sur la longue durée, mais je pense que ça va ensemble, Paul Salmona. Alors, sur la longue durée, on sait, grâce à l'archéologie, qu'on a des Juifs en Europe, dans l'Empire romain en tout cas, depuis l'Antiquité. C'est très bien attesté en Italie. C'est aussi maintenant très bien attesté dans la vallée du Rhin. Il y a eu des fouilles considérables à Cologne qui montrent que la synagogue médiévale qui a été retrouvée devant l'hôtel de ville, hein, c'est un site très particulier parce que c'est un site qui a été bombardé pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est donc resté un no man's land et donc qui a permis que l'on fouille sous ce qui étaient les immeubles du début du XXe siècle. Évidemment, fouiller en plein cœur de ville, c'est compliqué puisqu'il y a des habitations. On ne va pas détruire les habitations pour accéder au sous-sol. Mais dans certains cas, on accède à ces niveaux. Et là, on a retrouvé une synagogue médiévale avec un mikvé considérable, phénoménal, hein, qui est un monument roman magnifique, somptuaire, on pourrait dire. On a retrouvé des vestiges d'une synagogue médiévale, mais plus intéressant encore, j'ai envie de dire, on a retrouvé sous la synagogue médiévale un monument antique dont on sait maintenant avec certitude, ou avec une grande probabilité, qu'il était déjà une synagogue au IVe siècle parce qu'on a retrouvé à côté un mikvé antique, hein, donc un bain rituel antique qui atteste bien du caractère de synagogue de ce monument antique construit à l'époque romaine. Donc on a une présence qui est déjà... Alors on a d'autres éléments qui attestent la présence juive dans l'Antiquité. Grégoire de Tours parle des Juifs d'Orléans. On a une stèle à une stèle funéraire à Narbonne, et on en a une autre à Toulouse. Mais enfin, ces témoignages de la présence juste d'Antiquité ne sont pas très nombreux. Le plus ancien, c'est une petite lampe à huile avec deux chandeliers à sept branches tête bêche qui a été retrouvée à Orgon, au bord de l'autoroute du Sud, pourrait-on dire, près de Cavaillon. L'archéologie ne peut pas tout, hein, évidemment. Non, ce qu'on sait, c'est qu'on a donc des communautés installées depuis l'Antiquité. On ne connaît pas bien le continuum de cette présence, hein, là précisément. Et donc, d'ailleurs, de ce point de vue, l'archéologie est très précieuse parce que chaque information nouvelle permet de reboucher les trous, si j'ose dire, et de mieux décrire cette continuité. On sait qu'on a une présence considérable au 11e, 12e, 13e siècle. Là, elle est à la fois bien attestée par exemple, les stèles funéraires que nous avons au musée, mais aussi par toute une littérature rabbinique qui, pour la France médiévale, est très importante et constitutive. On le sait bien à travers l'œuvre de Rashi. On le sait bien. On le sait bien. Les juifs le savent bien, c'est beaucoup moins connu, y compris même des historiens, lorsqu'ils ne sont pas juifs, malheureusement. Alors, cela étant, nous sommes assez en retard en France sur le plan de la connaissance exhaustive de ce que pouvaient être ces quartiers juifs, ces juiveries, hein, pour employer le terme médiéval, qui n'a pas de connotation péjorative en l'occurrence. Si on fait une comparaison par exemple avec l'Espagne, on a la publication de l'inventaire exhaustif des synagogues médiévales dès 1950 par Cantera Burgos, alors qu'en France, nous n'avons pas cet inventaire. Nous ne savons pas toujours où sont les synagogues. Hein. On sait que on sait dans la plupart des cas où se trouvent les juiveries des villages médiévaux ou des villes médiévales. On a encore notamment, quand elles n'ont pas été renommées autrement, pour de fausses bonnes raisons, on sait où sont les rues des juiveries ou les rues aux juifs, mais il manque encore un inventaire exhaustif de ce et une étude approfondie. Alors, on l'a pour certaines régions, certaines villes. Daniel Yankou a notamment fait un travail important pour le Sud, mais on sait encore peu de choses. Hein. Et par exemple, à Provins, pour ne pas le nommer, on a une étude de la juiverie. On pense avoir retrouvé récemment, Claude de Mecknem pense avoir retrouvé la synagogue, enfin, en tout cas une des synagogues et son mikvé. C'est un travail qui a été fait de façon beaucoup plus approfondie, par exemple à Tolède, par Jean Passini, qui a reconstitué dans la ville actuelle, à partir de toutes les sources possibles, donc c'est un travail à la fois d'archéologue, d'historien, d'urbaniste, à travers toutes les sources possibles, l'emplacement de la juiverie, des différents édifices communautaires, la boucherie, l'emplacement où on attachait le bétail avant la boucherie, 5 synagogues qui n'étaient pas connues. On en connaît certaines très bien, hein, la synagogue du Transit, la synagogue aujourd'hui dénommée Santa Maria la Blanca, hein, Sainte Marie la Blanche, qui d'ailleurs a plutôt une architecture de mosquée et qui était devenue une église. Mais on n'a pas l'équivalent pour la France. De la même manière, on connaît assez peu de cimetières. Hein. On en connaît un à Enza, à côté de Clermont-Ferrand. On connaît un petit bout de cimetière qui a été fouillé par Philippe Blanchard à côté de Châteauroux. Mais on n'a pas du tout apporté le même intérêt en France à ces sites que ce qui a été le cas en Espagne. Alors, il faut dire que lorsque la toponymie permet de les identifier, hein, à Châteauroux, on a sur des plans anciens cimetière des Juifs. À Enza, le site s'appelle le champ des Juifs ou le champ aux Juifs, je ne sais plus. Évidemment, c'est plus facile lorsqu'on a une toponymie comme Montjuïc à Gérone ou à Barcelone ou comme Jewbury à York. Stop! Paul Salmona, quand je vous ai demandé de choisir une musique pour cette émission, vous nous avez proposé ce chant qui est de... C'est le cœur du Canticum Hebraicum de Louis Saladin, qui est un compositeur provençal du XVIIe siècle, qui a été redécouvert par le grand musicologue israélien Israël Adler, et qui est donc composé pour une circoncision, on ne sait pas très bien, à Avignon, à l'Île-sur-la-Sorgue, à Carpentras ou à Cavaillon, au XVIIe siècle. Alors pourquoi vous avez choisi particulièrement cette musique pour aujourd'hui ? Parce que c'est une des communautés qui est représentée, qui subsiste dans la France après l'expulsion de 1394, et qui est assez bien représentée dans les collections du musée. D'ailleurs, nous venons d'accrocher un très beau tableau italien qui représente une synagogue et qui nous est prêté par le musée un intérieur de synagogue et qui nous est prêté par le musée de Cavaillon pour 3 ans. Si les Juifs sont là depuis longtemps, s'ils sont installés autour d'une synagogue avec le bain rituel, il y avait aussi, on le découvre, en tout cas l'archéologie le découvre, une école, souvent une école talmudique. On parle aussi de lieux qui sont la boucherie ou même le four de pain azim. Et donc, on a l'impression de communautés vraiment, vraiment très, très installées. Alors, je renouvelle ma question. Est-ce que c'était des quartiers fermés ? Est-ce qu'ils faisaient partie de la population ? Mais en même temps, je crois que cette longue durée que vous venez de rappeler vient mettre à mal les préjugés que l'on peut avoir sur une sorte de caricature du juif qui est toujours ailleurs, qui est toujours en voyage, qui est toujours exilé, qui est toujours expulsé et qui n'aurait pas eu le temps de s'installer. Ce que nous offre ici les découvertes de l'archéologie, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, je reprends vos termes, un ancrage dans la ville. Et je reprends encore ma question, donc de quelle nature est cette installation urbaine des Juifs au Moyen-Âge ? Paul Salmona. Bien sûr. Alors, en fait, le ghetto fermé en tant que tel n'apparaît qu'à Venise en 1516. Et ce qu'on voit des juiveries médiévales, à travers l'archéologie, mais aussi simplement à travers l'organisation de la ville telle qu'on peut encore la voir dans pas mal de villes et de villages, c'est plutôt des quartiers ouverts ou éventuellement fermés la nuit, mais avec une très grande interaction entre les juifs et les chrétiens. Ça, c'est vérifié dans la plupart des fouilles archéologiques. D'ailleurs, en dehors d'un certain nombre d'objets très précis, peu de choses différencient la culture matérielle, comme disent les archéologues, des juifs de celle des chrétiens. Alors, ce qui va caractériser le quartier, c'est effectivement, bien sûr, fondamentalement la présence de la synagogue, éventuellement d'une yeshiva quand on arrive à l'identifier, mais pour identifier une yeshiva, il faut y trouver des éléments très précis, et c'est assez rare. Ça a été le cas à Rouen en 1976, où on a mis au jour, sous la cour du palais de justice, un monument médiéval avec des inscriptions hébraïques que Norman Golb a interprété comme une yeshiva. On parle même de super yeshiva, une espèce d'institut des hautes études talmudiques. C'est contesté, hein. Blumenkranz n'était pas d'accord. Mais en tout cas, c'est un édifice juif, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Très mal mis en valeur, j'en profite pour le dire en passant. Il a été recouvert d'une dalle de béton, il n'y a qu'un seul accès, on ne peut pas y rentrer à plus de 19 personnes. C'est extrêmement humide et c'est mal signalé. Et on peut vraiment le regretter parce que c'est l'un des plus anciens édifices juifs en élévation en France, même s'il est en ruine. Alors, on va aussi retrouver en archéologie des bains rituels, pour une raison très prosaïque, c'est que comme ils sont enfoncés pour accéder, enfin, ils sont creusés profondément pour accéder à l'eau courante de la nappe phréatique, hein, c'est une prescription. Généralement, si les édifices ont changé d'affectation, ils ont été comblés, mais on les retrouve, les archéologues les retrouvent. Ça ne serait plus le cas aujourd'hui avec le creusement des parkings en béton dans les immeubles neufs, mais la ville jusqu'au XXe siècle, grosso modo, s'est faite en superposant les couches. On retrouve aussi parfois des édifices divers et variés que peuvent être effectivement la boucherie, la boulangerie, un édifice communautaire. Thierry Massa pense par exemple avoir identifié en face de ce que l'on pense être l'ancienne synagogue de la rue de Bourgogne à Orléans, un édifice juif qui était probablement une yeshiva, dans la fouille de l'ancien cinéma, d'un ancien cinéma pornographique, le Rio, que la préfecture avait racheté pour en faire un immeuble administratif, et où on a pu fouiller ce qui allait devenir la cage d'ascenseur. Vous voyez, il y a des contraintes très prosaïques, mais en étudiant très précisément tous les détritus, on voit bien qu'il y a toute une période où il n'y a aucun os de porc. Oui. Alors, ce qui est absolument passionnant, parce que quelqu'un comme moi qui étudiait beaucoup le Talmud, quand on lit les commentaires, mais sur la page même, c'est-à-dire les commentaires de Tosafiste, depuis ma jeunesse, je connais Rabbi Yitzhak d'Orléans, Rabbi Nachman de Sens, Rabbi Uriel de Paris, c'est-à-dire que quand on ouvre le Talmud, mais pas simplement parce qu'on est français, je veux dire, quelqu'un qui ouvre le Talmud à Los Angeles ou en Afrique du Sud, dans les commentaires, il rencontre le nom de ces villes françaises. Et donc, il témoigne vraiment d'académies très, très, très sérieuses, très importantes, que ce soit à Rouen, même Tours. Imaginez, quand vous allez à Deauville, vous passez dans une ville juste à côté médiévale qui est la ville de Tours, c'est un mot qui apparaît dans le Talmud. Donc, je crois que c'est très émouvant pour moi, en tout cas, par exemple, d'être présent ici avec vous aujourd'hui, parce que je connais ces mots dans les archives textuelles, et là je les vois dans les archives du sol, en tout cas vous les évoquez. Il suffit de rappeler que les plus anciennes traces de langue d'Oïl dont nous les devons à l'œuvre de Rashi, et pourtant, voilà, il y a quelque chose comme un « et pourtant », Paul Salmona, cette vie juive médiévale n'apparaît pas dans les livres d'histoire. Et vous soulignez, en citant Le Mythe National, un ouvrage de Suzanne Citron de 1987, dans lequel elle a étudié l'historiographie scolaire depuis le Petit Lavis jusqu'au manuel scolaire des années 80, que le judaïsme médiéval n'appartient pas au roman national. Et vous dites que ce diagnostic est valable pour les grands historiens. Et je me demande si, justement, votre travail dans ce musée et le fait que nous sommes obligés, comme visiteurs, de passer par cette salle de l'exposition permanente avant d'accéder à l'exposition temporaire, n'est pas une façon de corriger, d'une certaine manière, l'historiographie, en tout cas, de la questionner à partir de l'archéologie. Paul Salmona. Oui, alors en effet, c'est vrai qu'on a un peu l'impression que pour beaucoup d'historiens, ces juifs qui sont présents de l'Antiquité jusqu'à 1394 en France, n'existent pas. Et que d'une certaine façon, ils étaient comme des sans-papiers aujourd'hui, en quelque sorte. Hein, que la référence à l'exil fait qu'on les considère comme des exilés, qu'on a le sentiment que leur présence est légitimement, logiquement, naturellement temporaire, que donc leurs expulsions sont naturelles, que donc il n'y a pas besoin de les intégrer à l'histoire nationale. Alors qu'en réalité, ils en font pleinement partie. Il se trouve que cette période et cette production intellectuelle que vous évoquez, des Tosafistes dans la France du Nord et des Thibonides dans la France du Sud, enfin en Languedoc on va dire, est extrêmement mal connue d'un large public d'amateurs d'histoire, j'ai envie de dire, et assez mal intégrée par les grandes synthèses historiques sur l'histoire de France. Et c'est une chose qu'on peut regretter, et on peut espérer effectivement que l'archéologie, alors, pour sa part, mais contribue à faire mieux prendre en compte la connaissance de la présence de ces communautés et de leur production matérielle et intellectuelle. C'est un petit peu, j'ai l'impression, votre combat, c'est-à-dire que dans ce musée, c'est un choix qui a été fait. Tous les visiteurs qui vont aller voir telle ou telle exposition temporaire, en ce moment c'est Vichniac par exemple, ils vont passer nécessairement par cette salle, ces deux salles ou trois salles du musée de l'exposition permanente, et ils vont donc peut-être traverser cette épaisseur du temps, cette sensation justement du temps long, de cet ancrage dont on parlait. Oui, en effet, on accède aux expositions temporaires du musée d'art et d'histoire du judaïsme qui ont beaucoup de succès à travers trois salles de la collection permanente qui vous rappellent, lorsque vous passez devant la stèle de Dame Florie, qu'elle s'appelait Florie, qu'elle avait un nom français au XIIIe siècle, et qu'elle avait un prénom, en l'occurrence, qui évoque plutôt un certain bonheur de vivre. Et ça, c'est d'ailleurs une constante de la plupart des stèles féminines, que dans la France du Nord et dans la France du Sud, hein, où on a des noms en langue vernaculaire et qui dénotent d'une intégration linguistique incontestable et probablement d'un certain bonheur de vivre de ces juifs médiévaux, malgré un certain nombre de difficultés et de persécutions inhérentes à leur statut ou aux exactions qu'ils ont pu subir. Paul Salmona, merci infiniment pour cette passionnante visite dans l'épaisseur des histoires, j'allais dire de l'histoire, mais qui nous a permis sans doute de mieux comprendre la formule de Pierre Nora. Les lieux de mémoire ne sont pas ce dont on se souvient, mais là où la mémoire travaille. Merci beaucoup. Je renvoie, merci à vous, je renvoie les auditeurs aux actes du colloque L'archéologie du judaïsme en France et en Europe que vous avez dirigé avec Laurent Sigal, et je propose de nous retrouver la semaine prochaine pour découvrir ensemble l'exposition de l'immense photographe Roman Vichniak intitulée De Berlin à New York 1920-1975, exposition qui se tient au musée d'art et d'histoire du judaïsme jusqu'au 25 janvier prochain. Une autre façon de questionner les archives et les vestiges, comme dit Kafka, une autre façon de regarder au-delà des ruines. C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin, préparée avec Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui, Adrien Gadza. À la réalisation, Vincent Abouchard. Vous pouvez réécouter et podcaster l'émission sur le site de France Culture. Coltouve, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.